Début septembre, la France annonçait que l'un de ses satellites stratégiques avait été piraté par un satellite espion russe. Quelques jours après que les États-Unis ont délivré un mandat d'arrêt contre l'un des principaux hackers du groupe Lazarus, accusé d'être à l'origine du ransomware WannaCry qui a infecté des centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde, hacker situé en Corée du Nord. Et on ne dénombre plus les attaques de moyenne ou grande envergure qui ont lieu dans la dernière dizaine d'années, du chaos en Estonie jusqu'aux attaques contre l'Ukraine ou l'Allemagne. Selon Angela Merkel, ces conflits hybrides tels que la Russie les appelle appartiennent désormais au quotidien. Bienvenue dans la cyberguerre froide. Cyberguerre, bon baiser de Russie, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce nouveau conflit à bas bruit, constant et de plus en plus soutenu, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Nocetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, auteur de l'article « Géopolitique de la cyberconflictualité » qui a été publié cet été dans la revue Politique étrangère. Nous avons également le plaisir d'accueillir Thierry Berthier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et chercheur en cyberdéfense et cybersécurité au CREC, qui est le centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Couëtquidan. Vous pouvez nous suivre comme tous les jours en direct sur les ondes de France Culture, en replay, en podcast, en réécoute sur le site franceculture.fr et en complément, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc, où nous allons poster, comme tous les jours, un certain nombre d'articles, d'illustrations et de compléments à ce qui va être dit au cours de cette heure. Mais avant de plonger dans cet univers de conflits cybernétiques, le troisième prix Nobel 2018 a été remis tout à l'heure en fin de matinée. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award 2018 Nobel Prize in Chemistry with one half to Francis H. Arnold for the directed evolution of enzymes and the other half jointly to George P. Smith and Gregory P. Winter for the phage display of peptides and antibodies. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour. C'était donc le prix Nobel de chimie que vous venez d'entendre, qui a été décerné, je le redis en français dans le texte, à une femme, et oui encore une, Frances Arnold, et deux hommes, George Smith et Gregory Winter. Et selon l'Académie Nobel, les trois lauréats ont dompté les principes de l'évolution, rien que ça. Les travaux de George Smith et Gregory Winter portent sur les bactériophages, ou phages, donc des virus qui s'attaquent à des bactéries. Les deux chercheurs ont utilisé ces organismes pour produire des protéines déterminantes dans l'élaboration d'anticorps capables de s'attaquer à des cellules cancéreuses, mais aussi à des maladies auto-immunes si l'on s'en tient à un petit nombre d'applications. Quant aux travaux de la biochimiste Frances Arnold, cinquième femme à recevoir le prix Nobel de chimie, ils concernent des enzymes mutantes. Une enzyme, on le rappelle, est une protéine qui accélère une réaction chimique. Les protéines sont des molécules qui mutent et qui, par leur mutation, peuvent être plus ou moins efficaces pour une action donnée. Ce sont ces mutations aléatoires qui ont un rôle clé dans l'évolution et Frances Arnold a réussi à provoquer de façon contrôlée ces mutations en des temps records pour améliorer l'efficacité de certaines protéines. Marc Fontcave est chimiste et titulaire de la chaire Chimie des processus biologiques au Collège de France. Il nous explique en quoi les travaux de Frances Arnold constituent une révolution dans le domaine de la biochimie. La grande contribution de Frances Arnold, c'est la découverte de techniques et de la possibilité d'utiliser ces techniques pour transformer massivement une protéine, pour la rendre active pour une réaction donnée, pour la production d'une molécule. En faisant cela, non seulement elle a produit de nouveaux biocatalyseurs pour des transformations qu'on retrouve dans la nature ou même qu'on ne retrouve pas dans la nature, donnant accès à des molécules, soit naturelles, soit non naturelles. Mais en faisant ça, elle a aussi donné des éclairages tout à fait uniques et originaux sur la question de comment une protéine peut évoluer, se transformer pour atteindre un objectif final, une fonction finale. Elle nous a donné des éclairages sur finalement ce qui faisait qu'une molécule était douée ou non pour une évolution optimisée vers une fonction optimisée. Alors au moment de la remise du prix Nobel, le président du comité Nobel a parlé des travaux entre autres de Frances Arnold comme d'une réplication des principes de Darwin dans des éprouvettes. Alors pourquoi il a dit ça et comment on peut l'expliquer ? Pourquoi ? Parce que justement, le processus par lequel elle transforme ces protéines, c'est-à-dire un processus de mutagénèse massive et aléatoire, eh bien, c'est effectivement ce qui se produit au cours de l'évolution des espèces. Soumises à une pression sélective, ces espèces transforment leurs protéines pour être mieux adaptées à leur environnement. Et ce qu'a fait Frances Arnold, c'est finalement, non pas en millions ou en milliards d'années, mais en années ou dizaines d'années, même parfois plus rapidement, grâce à ce système in vitro, c'est-à-dire dans un tube à essai, de mutagénèse, c'est-à-dire là aussi de construction de mutants et de sélection, c'est-à-dire avec une pression sélective, de reproduire, au fond, dans un temps beaucoup plus court, comme je l'ai dit, de reproduire cette évolution du vivant. Les travaux de Frances Arnold nous donnent la possibilité de transformer tout un tas de protéines et d'enzymes pour les appliquer dans les domaines de la biotechnologie, c'est-à-dire de la biocatalyse, c'est-à-dire de l'utilisation d'enzymes ou de protéines pour la production de molécules d'intérêt pour la société, pour l'industrie chimique, pour la santé, c'est-à-dire production de carburant, production de médicaments, production d'intermédiaires d'industrie chimique. Donc c'est véritablement une révolution dans le sens où le périmètre des systèmes enzymatiques qu'on peut utiliser pour ces applications-là ne se limite pas à ce qu'on trouve dans le vivant, cela on les exploite aussi, hein, et se dépasse largement cela parce qu'on transforme toutes ces protéines en quelque chose de nouveau. C'est toujours des protéines, mais ce sont des mutants qui donnent accès à d'autres réactions et à d'autres produits. Voilà, on reviendra bien sûr dans le Journal des Sciences vendredi sur cette semaine de prix Nobel scientifique. Demain, c'est le prix Nobel de la paix. Et puis lundi, ce sera le prix Nobel d'économie. Il faudra vous connecter à Tiphaine de Roquigny et à Roquetant de Vouléco qui vous en parlera, bien entendu. La méthode scientifique, Nicolas Martin. L'avènement de la société de l'information en réseau est-elle en train d'écrire un nouveau chapitre de la guerre froide ? Nous en parlons donc tout au long de cette heure avec Julien Nocetti qui est chercheur à l'IFRI et Thierry Berthier qui est maître de conférences en mathématiques à l'université de Limoges et chercheur en cyberdéfense et cybersécurité. Puisque je le disais tout à l'heure dans l'introduction, plusieurs attaques récentes pointe vers le bloc de l'Est. La Russie, au premier chef, a accusé par plusieurs dirigeants occidentaux de développer des fermes de hackers ou de trolls pour nuire à différents acteurs publics ou privés, voire à la Corée du Nord, à qui l'on reproche une attaque massive contre le géant japonais Sony ou la création d'un rançongiciel, d'un ransomware ou un hacker qui a fait un certain nombre de dégâts l'an passé. Alors souvent, lorsque l'on évoque cette cyberconflictualité, on verra comment on la définit dans quelques instants, hein, on se dit qu'elle est tout du moins partiellement maîtrisé, c'est-à-dire que bon, à part quelques ordinateurs de particuliers, quelques institutions qui tombent à droite, à gauche pendant quelques heures, c'est pas très grave. Les scénarios type dérèglement d'une centrale nucléaire, d'un aéroport, d'un réseau hospitalier, tout ça, eh bien ça relève plutôt dans l'esprit collectif, dans l'imaginaire collectif, du scénario hollywoodien. Pas du tout, souvenez-vous. Le 1er mai 2007, jour de la fête nationale russe, les pirates passent à l'attaque. Il remplace d'abord les pages d'accueil des sites officiels avec des images insultantes pour le Premier ministre. Le trafic Internet s'emballe brusquement jusqu'à saturer les serveurs. Dans les heures qui suivent, la population russophone descend dans les rues de la capitale. Les Estoniens sentent leur gouvernement perdre peu à peu le contrôle de la situation. Il n'y avait plus d'informations, les écrans étaient noirs. Quand j'ai cherché à comprendre ce qui se passait, j'ai découvert que ce n'était pas seulement les organismes de presse, mais aussi les grandes banques commerciales qui subissaient cette attaque. Pour un petit pays comme le nôtre, qui n'a que deux grandes banques, voir que tous les services en ligne étaient interrompus a été un sujet d'inquiétude majeure. Jacques Avixot venait d'être nommé ministre de la Défense, alors même que l'attaque cybernétique allait bientôt dégénérer en émeute. Les Estoniens d'origine russe envahissent le centre-ville de la capitale alors que les systèmes informatiques se bloquent. La distribution d'essence ou de pain cesse. L'anarchie se répand dans le pays. Les Estoniens s'attendent à voir les colonnes de chars envoyées par Moscou entrer dans leur ville. Sans ordinateur, l'État cesse de fonctionner. Voilà, c'était en Estonie en 2007 sur fond de hard rock. En fait, c'était évidemment une cyberattaque d'ampleur qui a été sourcée comme venant de Russie, mais qui a tout de même failli aboutir à une forme de révolte civile, pour ne peut-être pas dire guerre civile, en tout cas un vrai désordre social dans l'intégralité du pays. À l'heure actuelle, Thierry Berthier, c'est peut-être l'une des plus grosses conséquences réelles dans le monde réel d'une attaque dans le monde virtuel. Alors effectivement, sur des attaques ciblées comme ça, l'Estonie a été au centre, c'est situé au centre de ces attaques. Aujourd'hui, on voit quand même arriver, notamment l'an dernier, en 2016-2017, des attaques qui sont mondialisées, avec des effets collatéraux, c'est-à-dire que les cibles ne sont pas celles qui étaient forcément prévues au début. On a un débordement sur des cibles secondaires. Et donc on a eu l'exemple de WannaCry qui était peut-être la première attaque mondiale. Après il y a eu NotPetya et puis d'autres qui se sont poursuivis. Donc on est vraiment on a changé d'échelle à ce moment-là. D'accord. On va reparler WannaCry, Petya, NotPetya qui sont des ransomware, des wormholes. On va reparler de tout ça, mais juste sur ce qui s'est passé en Estonie, c'est-à-dire que ça a vraiment on a été vraiment dans la déstabilisation d'un état entier, même si c'est un petit état, ça a vraiment dégénéré en manifestation. Ah bien sûr, tout à fait. Et là, on comprend parfaitement le but au fond des cyberattaques, hein, qui est de produire de l'incertitude politique. On est parti de démarches d'initiatives techniques, donc la paralysie de serveurs et par voie de conséquence des institutions estoniennes qui sont largement basées sur les réseaux numériques, pour aboutir à une crise politique. Hein, et c'est vrai que le pays a été quasiment paralysé pendant près de 2 semaines. Et comme vous l'avez dit, hein, l'Estonie a été le premier fait d'armes entre guillemets de cette cyberguerre. Il y a eu d'autres conflits très très localisés aussi et qui ont mis en œuvre des moyens très très différents. Je pense à Stuxnet, ce fameux virus coélaboré par les Américains et les Israéliens qui a lui abouti à la paralysie des centrifugeuses d'uranium iraniennes en 2010 et qui s'est répandu par ailleurs par la suite sur le réseau mondial. Hein. Ah tout à fait, exactement, absolument, qui a eu des répercussions ailleurs. Donc là on est vraiment parti, comme l'a dit Thierry Berthier, de conflits et de conflits cyber très localisé pour aboutir à une échelle tout à fait inédite aujourd'hui. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que l'Estonie, c'est un peu ce point de basculement, c'est un peu l'événement zéro de cette nouvelle polarisation, en tout cas de ce que j'appelle pour cette émission, mais ce dont on va débattre autour de cette table, de cette nouvelle cyberguerre froide, c'est-à-dire avec vraiment une force de nuisance venant plutôt des pays de l'Est et plutôt à l'encontre de structures occidentales ou de pays comme l'Estonie qui cherchaient évidemment à se rapprocher de l'OTAN puisque toute la question était évidemment de l'installation des bases de l'OTAN dans ces anciens pays baltes. Alors, je crois qu'il faut aussi rétablir un petit peu les choses. Les grandes nations, les grandes puissances militaires ont toutes aujourd'hui développé des capacités cyber. C'est-à-dire que elle dispose toute d'une cyberarmée, si on peut appeler les choses par ce nom. Le mot n'est pas forcément accepté par tout le monde, mais il y a des unités cyber dans toutes les grandes puissances, qu'il s'agisse de la Chine, de la Russie, mais également des États-Unis et également des pays européens qui ont développé à la fois des unités qui servent à se défendre, mais qui peuvent aussi avoir des capacités opérationnelles plus offensives. Donc, ça fait partie de, si j'ose dire, de l'art de la guerre, nouvelle formule. Les Russes sont pas les seuls à développer des capacités cyber. Il faut pas penser que les Américains sont en dehors de la course. Ma question était plutôt de dire que d'un seul coup, il y a une nouvelle polarisation. C'est vraiment une nouvelle polarisation. C'est pour ça que je parlais de cyberguerre froide. Ça vous paraît légitime de parler de cyberguerre froide? Parce que c'est vrai qu'on pointe souvent vers la Russie, vers la Corée du Nord, vers la Chine. Si vous parlez de cyberguerre froide, en fait, ça sous-entend une dimension idéologique. Bon, il faut aussi, et là je me situe en contrepoint de ce qu'a dit Thierry Berthier, c'est-à-dire que la nouveauté, entre guillemets, de ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, c'est un couplage vraiment marquant entre cyberattaque et campagne informationnelle, avec pour objectif vraiment d'influencer les populations et les élites. Et ça, c'est une approche qui a traditionnellement cours en Chine et en Russie, essentiellement, et qui ouvre de nouveaux champs en matière de cyberconflictualité. Et ça, en Occident, on a quand même mis beaucoup de temps à comprendre les spécificités de cette approche russe et chinoise également, qui ne dissocie pas la dimension technique de la dimension psychologique et cognitive même, je dirais. Donc c'est sur ce plan, en fait, qu'on a beaucoup tardé à prendre la mesure du défi posé par ce bloc de l'Est, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a une différence de méthode ou pas, selon vous, Thierry Berthier, entre ce qui serait un bloc de l'Est et aujourd'hui la façon dont les pays occidentaux ou les États-Unis opèrent justement dans ce nouvel art de la guerre cybernétique. À titre personnel, je pense qu'il n'y a pas de différence notoire. Je pense que les Américains sont tout à fait capables de mener des opérations d'influence et ne se privent pas pour le faire, comme nous on en est capable aussi à notre échelle, ou comme les Russes sont capables de le faire, ou les Chinois, ou les Iraniens. Mm-hmm. Il y a un principe systémique quand même qu'il faut rappeler, c'est que quand vous prenez les armes de l'Estonie ou de l'Iran, ces États-là ont subi des attaques. Et donc, à chaque fois qu'ils subissent des attaques, ils développent des capacités cyber-offensives. C'est un principe tout à fait classique. Aujourd'hui, l'Estonie, d'ailleurs, est vraiment en pointe l'Estonie est en pointe au niveau de la cyberdéfense. Voilà. Tout à fait. Au niveau européen, l'Estonie, c'est vraiment un État qui a mis le paquet sur la cyberdéfense. C'est un pôle d'excellence. Pourquoi ? Parce qu'elle a subi des attaques fortes. L'Iran, qui a subi des attaques aussi répétées, est aujourd'hui un acteur important dans les opérations cyber-offensives, mais aussi dans les opérations de cyberespionnage. Elle a développé un savoir-faire et elle est capable aujourd'hui de tromper, y compris des cibles, sur le territoire américain. Et ça s'est vu aussi. Donc aujourd'hui, quand on parle de guerre des blocs au niveau cyber, c'est un peu plus compliqué. À l'époque des conflits, enfin de la dissuasion nucléaire, les choses étaient vraiment tranchées, la frontière était claire. Aujourd'hui, il y a des acteurs secondaires qui peuvent faire très mal et qui peuvent aussi être rentrés dans la course avec un ticket d'entrée très faible, finalement. C'est intéressant. On va parler de cette question d'asymétrie, parce que la notion de conflit asymétrique s'est particulièrement développée depuis les attaques terroristes et les attentats terroristes de groupuscules qui pouvaient faire d'énormes dégâts. On parle beaucoup de guerre asymétrique, donc c'est intéressant de voir si on peut répliquer cette guerre asymétrique dans le domaine du virtuel. J'aimerais juste qu'on dise un mot pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Thierry Berthier, de dire finalement l'attaque de l'Estonie ou l'attaque de l'Iran par Stuxnet ont eu des réactions proportionnellement inverses qui font qu'aujourd'hui, ces pays qui ont été victimes des attaques les plus puissantes, les plus coordonnées et avec les conséquences les plus lourdes, deviennent aujourd'hui paradoxalement des acteurs majeurs de la cybersécurité. Ça veut dire que le principe action-réaction a été finalement relativement mal calculé par les assaillants cybernétiques. Ouais, absolument, en fait. Et ce sont des pays qui ont pris conscience de leur très très forte vulnérabilité en matière cyber et informationnelle, et qui ont depuis renforcé considérablement leurs capacités, à la fois défensives et offensives. Et vous mentionnez l'Iran, c'est un acteur tout à fait respectable en matière cyber aujourd'hui, qui est craint. Et vous mentionnez aussi cet effet égalisateur du cyber aussi. Et ça, c'est tout à fait caractéristique de ce champ, en fait, qui fait que certains petits acteurs, en apparence, peuvent disposer de marge d'action, de capacité tout à fait significative. Et là, je pense à Israël. On va y revenir aussi, Thierry Berthier, sur cette action-réaction qui a finalement, dans le domaine du cyber, on a effectivement, comme vous le disiez, un ticket d'entrée beaucoup moins coûteux que dans une guerre, et même dans une guerre finalement froide, c'est-à-dire souterraine, de diplomatie, où il faut disposer de budget, de personnes entraînées. Là, on peut former des gens très rapidement, et à moindre coût, c'est beaucoup plus simple. On peut former des gens, on peut développer des technologies aussi rapidement, parce qu'il y a des vitesses de développement qui sont élevées. Il y a, en termes de cyberarmes, si on peut appeler les choses comme ça, vous avez des choses qui sont sur étagère aujourd'hui et qui sont d'accès assez facile pour un groupe ou pour même un État, je veux dire, à l'achat ou au développement. On peut disposer de solutions de pénétration de systèmes extrêmement furtives qui passent sous la plupart des antivirus, des firewalls, enfin, des systèmes de défense pour faire de l'extraction d'informations, d'extraction de données. Et ça peut être... les technologies, je veux dire, sont très accessibles. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans la même situation que la dissuasion, où le ticket d'entrée était élevé. Là, le ticket d'entrée est très, très faible. Et il y a peu finalement de méthodes pour bloquer ça. Il y a toujours un bel exemple que je cite assez souvent, c'est celui des États-Unis il y a quelques temps, quand ils ont voulu faire un embargo sur certains matériels hardware, sur certaines puces pour le calcul haute fréquence. Donc les États-Unis n'avaient plus le droit d'exporter vers la Chine pour essayer de ralentir. Qu'est-ce que les Chinois ont fait ? Ils ont créé un programme national pour développer ces processeurs qui étaient très stratégiques. Et ils se sont dit, nous, en un an, on fera aussi bien que les processeurs américains. Ils ont mis le paquet sur la table en termes d'humains, de capacité, de financement. Et au bout d'un an, ils avaient des processeurs pour le calcul haute performance qui étaient effectivement aussi puissants que les processeurs américains. Du coup, ça a dopé leur propre course au calcul haute performance. Aujourd'hui, la machine la plus puissante en matière de haute performance, c'est une machine chinoise. Quels sont, alors, est-ce qu'il est important peut-être de dire de quoi il s'agit, de le définir? Quand on parle, le titre de l'émission c'est cyberguerre froide, mais en fait on parle de cyberconflictualité, c'est le terme aujourd'hui idoine pour parler de cet état d'opposition dans le monde cyber, Thierry Berthier. Alors on parle, Est-ce que c'est correct, cyberconflictualité? Chez nous, au Craig Saint-Cyr, on préfère parler de cyberconflictualité, effectivement, plutôt que cyberguerre. Le mot guerre étant vraiment réservé à des opérations terrestres, alors du coup, pour l'espace physique. Alors, sauf que la cyberconflictualité, une attaque sur un système informatique peut avoir des répercussions physiques. Aujourd'hui, si vous mettez la pagaille sur un aéroport et que vous mettez des leurres numériques pour le contrôle aérien, vous allez provoquer des accidents et donc ça aura un impact sur l'espace physique. Donc la nuance est quand même assez complexe. Votre opinion sur ce point, Julien Nessetti? J'abonde tout à fait sur ce qu'a dit Thierry Berthier. Et c'est vrai que moi, je parle plutôt de cyberconflictualité dans la mesure où je pense que ça s'étend à l'ensemble du champ numérique et pas seulement au versant des cyberattaques, en fait, si vous voulez, des effets techniques de ce que vous pouvez produire. Aujourd'hui, vous avez une situation de cyberconflictualité précisément entre la Chine et les États-Unis, à la fois en matière cyber, mais aussi pour l'imposition de normes et standards en matière de 5G ou d'intelligence artificielle. Vous avez des rivalités extrêmement puissantes entre Pékin et Washington. Et il est impossible, à mon sens, de comprendre la guerre commerciale qui a été déclenchée par Trump tout récemment contre la Chine sans prendre en compte précisément cet enjeu de maîtrise et de leadership technologique. Et ça, c'est à mon sens un exemple frappant de ce qu'est la cyberconflictualité aujourd'hui, en 2018. Thierry Berthier, sur ça? Alors, je suis totalement d'accord avec ce que mon collègue vient d'annoncer. Il suffit d'écouter parfois les petites phrases. Dernière petite phrase de Vladimir Poutine sur l'IA. Le leader en IA sera le maître du monde. Oui. Phrase à peu près équivalente des dirigeants chinois deux mois après. Et puis, une politique américaine, le troisième offset. Et puis, la politique d'IA, la dernière conférence de presse de Barack Obama juste avant qu'il parte. Puis des mesures prises par le gouvernement Trump sur l'IA. Aujourd'hui, l'IA, c'est clairement un vecteur de souveraineté, de puissance, et c'est le gros enjeu des années à venir. Et ça, les trois grandes nations technologiques l'ont parfaitement intégré. C'est intéressant parce que vous dites les trois grandes nations technologiques en incluant la Russie, alors qu'on a tendance à penser que la Russie est un peu à la traîne, ou en tout cas qu'elle a d'autres méthodes, qu'elle n'a pas tout à fait des méthodes, on va dire, étatiques, officielles, qui soient les mêmes que celles que développe la Chine, par exemple, ou les États-Unis. Qu'elle a des méthodes qu'on appelle un peu plus rogue, c'est-à-dire un peu plus souterraine. Alors, ce qui différencie la Chine et la Russie, alors pour parler d'intelligence artificielle, le point qu'on évoquait, c'est que la Chine a vraiment une ambition assumée de leadership technologique qui passe à la fois par le développement de capacités technologiques et d'imposition, comme je disais, de normes et standards internationaux qui devront être, selon Pékin, les futures normes internationales. Voilà. La Russie, en matière d'IA, a surtout développé le champ militaire via la robotisation de son combat de son arsenal. Et en matière civile et commerciale, pour le coup, la Russie se situe un peu en retrait, évidemment, des capacités qui ont été développées par la Chine et américaines, évidemment. Un mot encore peut-être pour conclure cette introduction, et puis on va entendre un peu un reportage concrètement pour savoir comment est-ce que on joue et comment justement est-ce qu'on entre dans ce jeu de la cyberconflictualité. Quelles sont aujourd'hui, on en a cité quelques-uns, les forces en présence, en fait, puisque on a nommé cette émission la nouvelle cyberguerre froide. On va encore débattre de cette question, mais vous avez dit tout à l'heure, Thierry Berthier, les tickets d'entrée sont très peu chers. On a notamment parlé beaucoup de la force de nuisance de Daesh. Alors aujourd'hui, Daesh a perdu en grande partie sur le front de la guerre physique, mais on n'a pas l'impression que Daesh ait jamais vraiment eu une puissance de nuisance cyber si importante que ce qu'on pouvait lui accorder. En ce qui concerne Daesh, je pense qu'elle n'a pas, ce proto-État n'a pas eu le temps finalement de développer aussi de la capacité cyberoffensive. Mais si l'aventure, entre guillemets, ne s'était pas arrêtée assez brusquement pour ce groupuscule, enfin ce groupe, il ne faut pas du tout douter qu'il se serait orienté vers vraiment ce type d'attaque. Non, par contre, ils ont utilisé le numérique, ils se sont appuyés sur les grandes plateformes, les réseaux sociaux pour recruter. Si vous enlevez Twitter, si vous enlevez... c'est un peu triste à dire maintenant, mais si vous enlevez ça, vous enlevez une capacité opérationnelle de recrutement qui est énorme. Dans les années 2013, 2014, 2015, le recrutement essentiellement s'est fait via ces réseaux. Via les réseaux sociaux, via Telegram qui utilisait beaucoup les messages cryptés. C'était une messagerie de recrutement. Ça a été bien documenté. Avant tout ça, avec une force de persuasion importante, avec un caractère immersif très important. Et de ce côté-là, ils ont été très forts. Sur la guerre d'information, ils ont clairement été très forts. Ils ont même dépassé les outils qu'ils utilisaient, puisqu'il a fallu quand même du temps pour que les grandes plateformes commencent à faire de la modération efficace. Et il a fallu que les grands États tapent du poing sur la table pour que YouTube et que d'autres grands acteurs se prennent la mesure du problème. Mais alors justement sur les forces en présence aujourd'hui, donc on a parlé de la Russie, de la Corée du Nord, les États-Unis, Israël qui a aussi une force de cyberfrappe assez importante. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui sont des acteurs émergents puisque vous dites que le ticket d'entrée est très faible finalement? Est-ce que ces petits États voyous qui viendraient semer la discorde, à part la Corée du Nord, quels pourraient-ils être, Julien Ossetti? Alors moi, je distinguerai les États, des grandes plateformes que vous avez mentionnées, et les proxys, ces fameux intermédiaires en fait qui ont un rôle tout à fait significatif en matière de cyberconflictualité. C'est-à-dire qui sont-ils? Les intermédiaires, ça peut être des individus isolés, des réseaux d'activistes qui agissent par motifs politiques ou idéologiques ou criminels, et des réseaux beaucoup plus structurés. Qui peuvent avoir des liens assez étroits avec les États. Donc on a beaucoup parlé de ce type d'acteurs dans le cas de l'ingérence russe dans l'élection américaine. Et c'est vrai que la Russie a su sous-traiter, l'État russe a su sous-traiter une partie de ses capacités cyber, on va dire, informationnelles, à des acteurs paraprivés qui ont des liens à la fois avec le Kremlin, le milieu militaire, le secteur purement privé, les réseaux vraiment criminels, et qui ont pignon sur rue le plus souvent. Thierry Berthier. Oui, alors ça c'est certain. Et il faut rajouter une troisième catégorie d'acteurs qui sont des grandes plateformes. Les GAFA pour les États-Unis, les BATX pour la Chine, et puis des acteurs aussi du côté de la Russie, les gens qui gèrent les moteurs de recherche, etc. Finalement, ça fait un écosystème qui est hétérogène, mais qui est indissociable entre les grandes puissances, les acteurs, les plateformes qui sont utilisées, les technos qui sont développés, les normes qui sont installées. Alors on a quelque chose de complexe, un système complexe avec des intérêts qui sont parfois divergents entre des Google, Apple, Facebook, etc., qui sont parties prenantes, volontairement ou non, dans ces affaires. Mais qui seraient parties prenantes plutôt dans un sens de régulation, plutôt dans un sens de protection des individus, plutôt dans un sens... Dans quel sens, en fait? Quel est leur jeu? Elles sont d'abord là commercialement, je veux dire. C'est quand même le business, c'est quand même la raison d'être de ce type d'entreprise. Faut jamais l'oublier. Et ensuite, oui, effectivement, il y a le développement, il y a l'influence. Il y a des guerres d'influence entre grandes plateformes aujourd'hui et qui coûtent très très cher, en fait. Très très cher. Mais quand récemment Facebook publie et annonce qu'il s'est fait pirater, que 50 millions de ses comptes se sont fait pirater, je veux dire, on les voit plutôt, on va pas du tout essayer d'angéliser ces grandes plateformes, hein, bien loin de moi cette intention, mais ils sont plutôt du côté des victimes de cette cyber-conflictualité, plutôt des cibles que des acteurs à proprement parler. Je ne sais pas, Julien Ossetti, quelle place leur accorder? Alors, ce sont des cibles. Après, ils sont parfois pris aussi à leur propre jeu. C'est vrai que l'affaire Cambridge Analytica, dont on a beaucoup parlé au début de l'année 2018, quand même. On peut rappeler en deux secondes pour les auditeurs, Cambridge Analytica, c'est... Cambridge Analytica, qui est une société de conseil privé, qui a servi à l'équipe de campagne de Donald Trump pendant la campagne présidentielle américaine, à étudier le comportement des électeurs et à influencer le vote de ces électeurs. Et Facebook aurait été préconciliant dans ses liens avec cette société. Transmission des données personnelles d'un certain nombre d'utilisateurs, en l'occurrence. Exactement. Et Facebook a subi plusieurs fuites de données qui ont touché plusieurs millions d'utilisateurs du réseau social. Donc là, ça fait suite aussi à toute une série d'avaries et de scandales qui touchent aussi à la protection des données personnelles, qui est en soi aussi une donnée très importante de cette cyberconflictualité, d'ailleurs. La question des données. Donc ces grandes plateformes sont aussi évidemment des acteurs à part entière et sont effectivement des cibles tout à fait privilégiées. Et c'est vrai que vous mentionniez les jeux d'influence aussi avec les BATX chinois. On se situe aujourd'hui dans une guerre d'influence mondialisée où ces acteurs chinois sont de plus en plus influents et captent de plus en plus de parts de marché. Donc là, c'est tout à fait significatif. Oui, c'est complètement vérifié et ça se vérifie de plus en plus rapidement. En plus, il y a une accélération de ces mouvements. Les challengers ou les acteurs chinois, quand ils sont en retard quelque part, ils le savent et ils essaient de combler ce retard sur les grands acteurs américains. En ce moment, il y a une course qui se mène aujourd'hui sur le matériel, sur le hardware en intelligence artificielle. Vous aviez des grands acteurs du côté de Dell, de Nvidia, des graveurs des graveurs de processeurs, des GPU, ces acteurs-là sont aujourd'hui chatouillés, si j'ose dire, par des petits acteurs chinois, mais qui deviennent très vite très grands et qui, en 2 ans, arrivent à développer ce qu'ils ne savaient pas faire jusqu'à présent très rapidement et à mettre des solutions sur le marché de façon à contrebalancer les solutions américaines. Donc, on est vraiment dans une guerre de souveraineté technologique avec Google, par exemple, pour l'IA, qui va pousser une plateforme comme TensorFlow qui sert à mettre... Donc, Google a mis des millions et des millions pour développer cette plateforme pour rendre accessible l'intelligence artificielle tout un chacun, comme Android, finalement. Mmh. Et puis, la donnée en libre service, aujourd'hui, donc c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser, tout le monde, toute la planète l'utilise. Amazon a fait pareil. Et puis, du côté chinois, c'est pareil. Ils ont fait ça aussi pour ne pas être dépendants des plateformes américaines. Donc, il y a une vraie guerre des plateformes, avec beaucoup d'argent qui sont mis pour la R&D. Et ensuite, on donne tout ça gratuitement pour que, finalement, le marché mondial fasse le choix et puis impose telle et telle plateforme. Voilà. Alors pour l'instant, l'Europe n'a pas été tellement forte dans cette compétition. Peut-être elle va commencer à l'être. I spy a boy. I spy a girl. I spy the worst place. I Spy de groupe Pulp, puisque nous parlons d'espionnage cybernétique tout au long de cette heure, et comme quoi l'actualité est parfois finalement assez... Voilà, on vient d'apprendre, il y a une dépêche qui est tombée cet après-midi à 14h, des hackers d'élite nord-coréens à l'origine d'attaques sur des banques. C'est exactement notre sujet, le rôle de la Corée du Nord, le rôle de la Russie, de ce bloc de l'Est dans cette cyber-conflictualité. Est-ce que c'est une nouvelle forme de polarisation entre l'Occident et l'Orient? Nous en parlons avec Julien Nocetti, qui est chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et avec Thierry Berthier, qui est maître de conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et chercheur en cyberdéfense et cybersécurité au CREC. Alors avant de retrouver notre doctorant de la semaine, on va aller écouter notre reportage autour de cette notion de cyberguerre froide. Antoine Beauchamp, bonjour. Rebonjour Nicolas. Rebonjour, vous étiez là tout à l'heure pour nous parler d'une nouvelle de chimie, vous êtes partout. Donc oui, vous qui êtes pacifiste jusqu'au bout des ongles, vous avez voulu comprendre comment on obtient la cyberpaix, mais en se préparant tout de même à la cyberguerre. Oui, kiwi, cyberpacem, para, cyberbellum. Oui, j'ai même révisé mon latin pour vous et j'ai rencontré Alix Desforges qui a fait une thèse sur les enjeux de sécurité et de défense nationale du cyberespace au sein de la chaire Castex de cyberstratégie. Elle est aujourd'hui en post-doctorat à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris-Saint-Denis. On a cherché ensemble à démêler 2-3 nœuds concernant les conflits dans le cyberespace, à savoir, est-ce que le cyberespace est un terrain de guerre comme les autres ? À quoi ressemble une cyberarme ? Ou encore, comment cibler les cybermenaces quand nous sommes tous, mais le sommes-nous tous, des hackers en puissance ? Le terme en lui-même de cyberguerre fait débat parmi les chercheurs et parmi l'ensemble des spécialistes d'ailleurs, y compris les experts et les praticiens. Maintenant, il est évident que le cyberespace est devenu un nouveau domaine de l'action militaire. Et à ce titre, il est utilisé par les États au même titre que l'aviation, que des actions maritimes ou des actions terrestres dans le cadre d'un conflit. On peut distinguer trois grands groupes d'attaques. Les attaques qui visent à déstabiliser, les attaques qui visent à espionner et les attaques qui visent à saboter. Maintenant, l'escalade en elle-même, ça peut partir en fait d'une petite escarmouche presque, d'une attaque qui vise à espionner ou plus après plus dangereuse à saboter et qui après va avoir des répercussions au sein de la politique des États qui vont s'accuser mutuellement et on le voit de plus en plus aujourd'hui. Plusieurs États en tout cas dénoncent l'action d'autres États. C'est le cas des États-Unis qui ont identifié la Russie, mais pas seulement, les Japonais aussi, les Australiens. Il y a eu plusieurs attaques, l'attaque de Sony Pictures par exemple où les Nord-Coréens ont été dénoncés. L'ingérence dans les élections américaines, donc avec la Russie et d'autres. C'est une tendance qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire que les États pratiquent vraiment une attribution des attaques. Et ça peut mener à une escalade des conflits qui ne restent pas du coup dans le cyberespace et qui deviennent un conflit géopolitique comme un autre. Alors quand on attribue une attaque, une cyberattaque, est-ce qu'on a des preuves matérielles ? Est-ce que finalement on ne s'en tient pas toujours à un pourcentage de soupçons, à une espèce de forte probabilité de soupçons, mais sans jamais pouvoir établir de preuves définitives qu'un tel a attaqué un autre. Ça, c'est très difficile. Même si aujourd'hui, la technique fait des progrès, être sûr à 100% de qui est l'attaquant reste une chose difficile à déterminer, puisque vous pouvez identifier un ordinateur, mais est-ce que vous arriverez à identifier la personne qui est derrière l'ordinateur ? Maintenant, en matière d'attribution des attaques informatiques, le droit international accepte aussi des attributions qui ne relèvent pas forcément de la preuve numérique. Et par exemple, ça a été le cas sur l'attaque contre Sony Pictures, où les officiels américains ont intercepté, donc purement une interception électronique basique de communication entre deux responsables nord-coréens qui se vantaient d'avoir réussi l'attaque contre Sony Pictures. Et c'est comme ça que les États-Unis ont attribué l'attaque de Sony Pictures à la Corée du Nord. Quand on parle de cyberguerre, on peut penser à une espèce de cyberarmement. Alors comment les États pensent-ils leur cyberarmement ? Comment est-ce qu'ils fabriquent éventuellement leurs cyberarmes et éventuellement est-ce qu'ils font appel à d'autres sociétés, au domaine privé finalement, pour s'équiper en cyberdéfense, entre guillemets ? La notion de cyberarme, en fait, aujourd'hui, les États l'abordent sous le terme de lutte informatique offensive ou d'opérations offensives dans le cyberespace en fonction. Et donc aujourd'hui, de nombreux États développent des capacités de lutte informatique offensive dans le cyberespace. Pour développer ces capacités, ils ont évidemment des compétences en interne, ça c'est certain, et ils peuvent aussi effectivement faire appel à des prestataires extérieurs, comme pour n'importe quel marché, quelque part, qu'il soit d'armement ou pas d'ailleurs. Et là, vous avez tout un tas d'entreprises qui viennent graviter autour des États et qui revendent, alors soit, encore une fois, c'est la même logique que dans n'importe quel marché, des solutions plus ou moins abouties en fonction de ce que les États souhaitent. Mais sur ces entreprises-là, développent un marché de ce qu'on appelle des failles zero day, c'est-à-dire que c'est des failles informatiques qui n'ont jusqu'alors pas été du tout découvertes et qui donc, si on les utilise dans une attaque, ont une forte probabilité d'aboutir. Et aujourd'hui, vous avez tout un tas d'acteurs qui dénoncent ce marché-là parce qu'on est dans une zone un peu grise. Et donc, il existe des entreprises qui vendent ce type de service aux États, c'est certain. Maintenant, quels États commercialisent exactement, ça c'est plus compliqué à savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce marché-là existe et qu'il y a certainement preneurs parmi les États. Alors, pour qu'on comprenne bien à quoi ressemble une cyberarme, parce qu'un porte-avions, un fusil, on sait à quoi ça ressemble, une cyberarme, une faille zero day dont vous parliez à l'instant, qu'est-ce que c'est, quel effet ça a? Alors, la faille zero day, en soi, c'est une vulnérabilité identifiée dans un système. Donc, ça peut être dans l'ordinateur en lui-même ou ça peut être sur un logiciel en particulier, quel qu'il soit. Ça, c'est la condition pour que votre attaque réussisse. Maintenant, la faille zero day ne suffit pas. Il faut construire à partir de cette faille ce qu'on appelle un exploit qui va permettre justement d'exploiter cette faille zero day. Et là, à partir de là, vous pouvez ajouter tout un tas de couches pour que faire une attaque plus ou moins sophistiquée, qui sera plus ou moins détectée longtemps après par votre adversaire, en fonction de ce que vous connaissez de lui ou pas. Comment on va essayer de cibler les menaces à partir du moment où tout le monde a accès à un ordinateur et tout le monde a accès à des lignes de code ouvertes? Alors, c'est vrai que l'accessibilité de la ressource, en fait, en soi, peut représenter une surabondance de menaces. Maintenant, aujourd'hui, mener des attaques qui soient vraiment élaborées et qui auraient une influence telle que ça permettrait de déstabiliser fortement ou d'espionner ou de saboter des infrastructures vitales, là, ça demande quand même un niveau de compétence qui n'est pas à la portée du premier venu et qui demande beaucoup de ressources humaines avec des services de renseignement, techniques, financières. Et donc là, pour le coup, c'est pour ça qu'on dit que les attaques les plus sophistiquées sont principalement le fait d'États ou alors de groupes très bien financés et très bien constitués. Voilà le reportage du jour. Une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre qui permet effectivement de poser un peu le cadre de ce que sont concrètement ces différentes cyberattaques et qui en est à l'origine, Julien Lecetti. Alors, ce qui ressort du reportage que vous avez diffusé, c'est vraiment que toute cette militarisation du cyberespace dont on parle dans l'émission, elle avance beaucoup plus vite au fond que la construction de mécanismes de paix qui pourraient précisément réguler et accompagner au fond hein, voilà toute cette cyberconflictualité. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un processus extrêmement complexe qui fait intervenir tous les acteurs dont on a parlé. Et ce qui est aujourd'hui nouveau dans cet effort de régulation internationale, c'est l'implication d'acteurs privés, de très grands acteurs privés. On a parlé depuis quelques temps de Microsoft qui avait poussé sa convention de Genève du numérique hein, en reprenant tout un vocable traditionnellement dévolu aux acteurs diplomatiques, ou à Siemens, l'acteur allemand qui avait poussé lui sa charte de confiance numérique en essayant d'impliquer de plus en plus d'acteurs aussi privés derrière eux. Donc ça, c'est tout à fait notable des évolutions en cours de cette cyberconflictualité et de toute cette cyberdiplomatie aussi qui s'esquisse pour essayer de mettre un frein à la course aux armements. On voit bien la complexité diplomatique de lutter contre ces acteurs que vous définissiez comme parapublics ou paraprivés, c'est-à-dire notamment dans le cas des groupes russes type Shadow Broker. Là, je le disais à l'instant, les hackers nord-coréens à l'origine d'attaques sur des banques, on parle du détournement de centaines de millions de dollars, de milliers de dollars, pardon, excusez-moi, je m'emporte un peu, mais qui, à destination du régime nord-coréen, et pour autant, ce ne sont pas des agences gouvernementales. Quel est le droit, comment est-ce qu'on peut lutter quand on est un État légitime, démocratique, face à cette espèce de zone grise hein, que l'on entendait dans le reportage Thierry Berthier? Alors, je pense que d'abord, c'est un problème qui est très complexe. Lutter contre ça, c'est compliqué. Il faut savoir aussi que c'est finalement le rythme de l'évolution, du progrès technologique qui amène de nouvelles menaces. C'est la vitesse de développement des nouvelles plateformes qui amène les nouvelles menaces et les nouvelles capacités offensives, que ce soit sur le plan purement technique, réseau, hardware, etc., ou sur le plan, disons, à l'étage au-dessus, sur le plan de la guerre de l'information, de l'influence, au sens militaire du terme, où là, il y a de nouvelles possibilités, notamment données par la montée en puissance d'intelligence artificielle. On n'a pas parlé dans le reportage, mais je crois que c'est vraiment l'élément fondateur aujourd'hui. L'IA est en train de bousculer tous les domaines d'expertise humaine en challengeant et en devenant meilleur dans plein de domaines, et notamment dans la cybersécurité, cyberdéfense, en donnant, alors c'est ça le paradoxe, de nouvelles armes, de nouvelles capacités offensives, très sophistiquées, et aux deux niveaux, au niveau technique, au niveau du matériel, au niveau du logiciel, mais aussi au niveau de l'humain. C'est-à-dire, on peut faire de l'influence grâce à l'IA qui va être beaucoup plus perspicace, beaucoup plus immersive que ce qu'on savait faire jusqu'à présent. Et puis, l'IA est aussi extrêmement utilisée pour la défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour défendre un système, on peut mettre des composants de machine learning dans les réseaux au plus proche. Donc, je crois que c'est mon voisin va en parler tout à l'heure. Et on peut... on a vraiment une... L'IA intervient à tous les niveaux, à la fois humain, matériel, soft. Et donc, du coup, ça crée une complexité qui est nouvelle. Et au niveau juridique, c'est pas si facile que ça de suivre cette vitesse d'évolution. Pierre Mébajan, on va vous entendre sur vos travaux. Vous êtes notre doctorant du jour, mais peut-être un mot justement sur la complexité pour des États légitimes de se prémunir contre ces groupes qui sont des groupes para-étatiques ou para-privés en fonction de l'endroit où on se situe. Bah justement, je voulais un peu rebondir sur l'aspect juridique qui est notamment extrêmement difficile parce que on est dans une situation où en fait la donnée n'a apparemment d'existence dans le droit juridique, est difficilement caractérisée et il y a plein de niveaux, il y a différentes couches de données, on ne sait pas à qui appartient les données, comment les juger, et donc il est extrêmement difficile pour un État qui peut être souvent parfois qu'un point de transition d'une attaque ou juste en transition d'un énorme flux de données, de pouvoir décider s'il peut, ne serait-ce qu'inspecter, décider de ce qui peut être autorisé ou pas. Donc il y a un vrai challenge à la fois technologique, mais aussi au niveau du droit et la définition de qu'est-ce que la propriété d'un étatique, les frontières dans le cyberespace. Les frontières, c'est le sens du Cloud Act dont on va reparler dans quelques instants. Mais pour l'heure, à 16h47, justement, Pierre-Marie Bajan, nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour présenter vos travaux de recherche. Vous êtes en dernière année de thèse à l'Institut de Recherche Technologique Systemix. L'intitulé de votre thèse, c'est « Simulation d'attaques et d'activités, application à la cyberdéfense ». Bienvenue donc à la recherche Montre en main. On vous écoute. Donc, d'abord, il faut comprendre un peu l'intérêt de mes travaux. Donc, aujourd'hui, on a des produits de sécurité qui sont destinés à protéger les réseaux d'entreprises, les réseaux des États. Cependant, ces produits ont besoin d'être testés. Et pour tester de manière complète, il y a beaucoup d'aspects à considérer. Est-ce qu'il peut détecter toutes les attaques, des attaques qui sont cachées, des attaques qui sont parmi un très large volume de trafic? Et c'est pouvoir recréer un environnement capable de générer des conditions de test similaires à la réalité est très coûteux et difficile à introduire. Le but de ma thèse est de produire une méthode pour faciliter, pour avoir une méthode qui est moins coûteuse pour générer ce genre d'environnement. Donc pouvoir générer des données d'évaluation à large échelle et à moindre coût. Donc pour ça, on est parti sur une observation qu'on a du coût important qu'il y a dans ces structures-là, qui est la structure réseau. Cette structure, souvent, demande beaucoup de ressources et de main-d'œuvre parce qu'elle est extrêmement réaliste. On fait des vraies machines virtuelles avec des structures virtuelles, des écrans virtuels, des souris virtuelles, enfin tout ce qu'il faut pour faire un vrai PC. Le problème, c'est que la plupart de ces choses qu'on lui fournit n'est pas du tout utilisée. On n'en a pas besoin. La raison pour laquelle on fait tous ces éléments-là, c'est pour pouvoir tourner des applications et des programmes qui vont générer la donnée nécessaire à l'évaluation. Notre approche est du coup de réduire tout cela à un seul programme qui est capable de reproduire la donnée d'évaluation avec le niveau de réalisme qu'on souhaite. Donc du coup, on a juste besoin d'une structure, un réseau légère qui est capable de tourner ce programme. Donc du coup, pour ce faire, on a eu différentes approches. Donc ce qu'on s'intéresse du coup, c'est un programme avec différents niveaux de réalisme, parce que du coup, en fonction du niveau de réalisme qu'on souhaite, si on veut produire juste la taille de paquet, quelque chose de plus profond, pouvoir varier d'une manière plus profonde dans le paquet, il faut donc plus de capacité. Et donc on définit du coup plusieurs différents types de fonctions, différents types de données, et c'est l'essentiel de mes travaux. Très bien, peut-être une réaction. Vous discutiez avant ces travaux et à l'importance de ces travaux, Thierry Berthier. Alors effectivement, oui, c'est ce genre de thèse. Je crois que c'est vraiment très important qu'en France, on soit encore capable de financer ce type de thèse parce qu'elle rentre dans un champ stratégique. Et aujourd'hui, c'est pas facile finalement d'abord de retenir les jeunes docteurs, les jeunes chercheurs. Le monde de la recherche globalement est quand même assez malmené en termes salarial. Et sur des thématiques comme ça, j'espère que mon voisin, je sais qu'il va être très sollicité par plein de grands acteurs américains, chinois et autres. Et donc, ce sera pas facile pour nous Français de le garder, son expertise au niveau français. Voilà, c'était une réflexion au passage. Très simplement, aujourd'hui, si vous voulez, l'enjeu de la production, de la rétention et l'attraction des cerveaux en cybersécurité est un enjeu absolument stratégique, aussi bien pour la France que pour les Européens de manière générale. Mais aujourd'hui, il y a tout un tas de luttes d'influence qui se structurent à niveau mondial, américain, chinois, etc., et qui visent vraiment à capter ces talents, comme on dit. Donc, produire justement de l'expertise poussée en matière de cybersécurité est absolument capital aujourd'hui, je pense. Peut-être un mot à nouveau, et puis on va parler justement peut-être aujourd'hui au niveau français. Est-ce que les services secrets français, alors on a entendu parler il y a quelques années de Snow Globe ou plus trivialement Babar, qui était un ver, si mes souvenirs sont bons. C'était un malware. Quelque chose comme ça. Bon, bref, enfin, en tout cas, un programme pirate qui était censé qui espionnait notamment l'Iran, mais qui s'est retrouvé sur des serveurs publics canadiens. Et c'est le Canada qui l'a mis à jour et qui a pointé la France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les services de cyberconflictualité, qu'ils soient de défense ou de prospection, parce qu'on ne va pas dire d'attaque, sont totalement internes au gouvernement français. Ou est-ce que là aussi, il peut y avoir une forme de sous-traitance, comme on trouve dans d'autres types de pays, Thierry Berthier? Alors, je ne vais pas parler au niveau français, mais au niveau international, oui, tous les services de renseignement ont des services techniques, par définition, qui sont, à mon avis, bien dotés et qui travaillent très fort sur ces thématiques-là. Si c'est pas le cas, c'est un problème réel pour la souveraineté de l'État et pour la sécurisation des infrastructures critiques. Donc, j'ai envie de dire heureusement. Et donc, quand on fait de la défense, ça revient aussi par moment à faire de l'offensif, quoi, hein. Avoir une position que défensive aujourd'hui, c'est une doctrine un petit peu bisounours, hein. Pour faire du défensif, il faut être capable de faire de l'offensif aussi. Donc tous les services, oui, quels qu'ils soient, vont essayer aussi de regarder du côté offensif. Mais tout ça, c'est géré strictement en interne, Julien Lecetti ? Ou est-ce qu'on délègue ? Est-ce que encore une fois, on fait appel à ces groupes parapublics qui sont utilisés notamment en Russie ou en Corée du Nord ? Là, on parle d'un groupe qui s'appelle ATB38, hein, pour ce groupe de hackers qui a piraté les banques. Mais il y avait Lazarus que j'évoquais au tout début. Lazarus, bien sûr. Bah, le cas de la Corée du Nord est très spécifique, parce que vous le rappelez d'ailleurs. Outre le besoin de mener des actions contre les États-Unis, par exemple, pour à des fins politiques et stratégiques, vous avez aussi la question de la survie du régime nord-coréen. Et c'est vrai que là, l'enjeu financier, l'enjeu du vol de données et du piratage apparaît clairement, voilà, dans une finalité avant tout pécuniaire. Donc les armées de hackers qui ont été formées par Pyongyang sont là. Par Moscou, on parle de fermes de trolls pour justement intervenir. Alors c'est un autre niveau, mais en tout cas on parle de fermes de trolls qui sont des gens qui sont là vraiment pour faire de l'influence sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est un phénomène qui a pris une dimension quasi industrielle en Russie. Mais là aussi, il faut faire peut-être attention à pas fantasmer aussi le fait que des armées de trolls dans les sous-sols du Kremlin tiraient les ficelles des processus électoraux en Occident. Bon, c'est la réalité peut-être un peu plus compliquée que ça. Mais ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que oui, effectivement, le Moscou a très bien pris conscience des vulnérabilités occidentales et de la fragilité des démocraties, et que via l'influence numérique, il y a moyen justement de parvenir à des objectifs stratégiques. Et ça, on l'a très bien vu aux États-Unis, ça a fonctionné. Ou dans tous les processus électoraux ou les référendums en Europe, il y a eu des résultats qui n'ont pas été suscités par la Russie, mais du moins été amplifiés par des campagnes d'influence qui ont cours également en Russie. Pierre-Marie Bajan. Du coup, sur le point un peu de la France, pour moi, je vois deux aspects qui sont assez intéressants, qui est tout d'abord un grand intérêt de la France pour protéger ses infrastructures d'intérêt vital, les OIV, notamment parce qu'en fait, souvent, ce sont des structures qui sont ancestrales, qui ont existé depuis un bout de temps, sur des systèmes qui sont vieux de 30 à 40 ans. OIV, on parle d'Areva, des centrales nucléaires, des objectifs stratégiques, des points stratégiques, voilà, les hôpitaux. Des choses qui, paralysées, peuvent impacter ou paralyser la France. Ce genre de opérateurs qui étaient à base publique, devenus privés ou avec des statuts compliqués, du coup, ont des systèmes qui sont vétustes, qui n'ont jamais été pensés en termes de sécurité, parce que les attaques n'existaient pas, c'était pas connecté. La seule sécurité à l'époque, c'était empêcher quelqu'un d'entrer dans le bâtiment. Aujourd'hui, ces infrastructures sont connectées à Internet, elles sont sensibles, Et donc du coup, il y a une exigence maintenant au niveau étatique sur ces infrastructures de protéger leur système, de monter leur capacité de protection. Et il y avait, c'était mon deuxième point aussi, qui est un débat qui a été lancé, il y a un ou deux ans, qui est originaire des États-Unis et qui du coup, au niveau du droit, venait aussi en France, qui était le droit de répliquer en cas d'attaque, les Américains poussaient pour que leurs entreprises, en cas d'attaque, aient le droit de répliquer. Les entreprises aient le droit de répliquer. Oui. Oui, c'est le hack-back. Le hack-back, ouais, voilà. qui fait beaucoup de débats aux États-Unis, mais aussi en Europe. Je sais par exemple qu'en Allemagne, c'est un point qui est discuté de façon très très active, notamment par la chancellerie, les services de renseignement. En France, c'est un point qui fait beaucoup plus polémique, puisque visiblement dans la dernière doctrine, la revue stratégique cyber qui a été publiée en début d'année. C'est une des limites au positionnement de la France, par exemple. C'est-à-dire que le hack-back, ça consiste à permettre aux entreprises de détruire les données qui ont été volées et de riposter. Donc ça suppose aussi que ces entreprises développent leurs propres capacités humaines et technologiques. Humaines et technologiques, ou les sous-traitent. Donc ça a aussi un impact très important. Ça pose la question, et je pense qu'il y a une émission entière à faire sur la question du droit et du droit international en termes de cyberconflictualité, qui est effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Pierre-Marie, très très complexe. Peut-être un mot justement sur la question du tipping point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à quel moment cette cyberconflictualité arrive au point de bascule qui se traduit par une réplique, non pas du hack-back, mais par une réplique en force militaire classique. Alors ça a été inscrit dans la doctrine américaine, à l'époque de Barack Obama, il a été dit et écrit qu'en cas d'attaque massive sur les intérêts stratégiques américains, c'était considéré, ce type d'attaque était considéré clairement par l'armée américaine comme une attaque classique, conventionnelle, et donc appelée à des répliques conventionnelles. Grosso modo, on arrive à attribuer le niveau d'attaque, et ben on envoie les bombardiers ou on fait une réplique par des missiles. Donc on a eu une égalisation des champs, finalement, du champ cyber avec le champ réel à ce moment-là. Après, ça, c'est ce qui est écrit. Dans la réalité, c'est pas aussi clair que ça. Voilà. Donc, Pierre-Marie Béjean, un mot. Mais après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que maintenant, il y a eu un premier cas concret, exemple d'application, où une attaque par les réseaux, une attaque informatique, a appuyé une attaque militaire. Ça a été l'invasion de la Crimée par la Russie, ça a été appuyé du coup par un hackage des centrales, coupure des moyens de communication et d'électricité, pour appuyer une manœuvre militaire d'invasion de la Crimée. En un mot pour conclure, Oui. Pour conclure en un mot. Alors, Non. Il y a beaucoup de domaines qui ont été abordés en fait en l'espace de 30 secondes. Sur la réponse conventionnelle à une attaque cyber. Voilà, c'est un petit peu comme les questions du spatial, si vous voulez. Il y a à la fois le cyber comme milieu à part entière où vous avez la possibilité de déclencher un conflit ouvert et d'importance critique dans ce milieu, ou alors le cyber qui doit aider les opérations militaires conventionnelles. Mais il est certain que ces deux écoles, si vous voulez, aujourd'hui sont âprement discutées dans l'état-major et c'est susceptible de déclencher des conflits d'ampleur. On n'en est pas encore là pour le moment. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus nous parler de cette cyberconflictualité et de tout ce qu'elle implique. Merci Julien Nocetti, merci Thierry Berthier, merci Pierre-Marie Bajan d'être venu nous exposer vos travaux de recherche. Je vous rappelle que c'est aujourd'hui mercredi et que comme tous les mercredis, c'est le jour où on publie les idées claires sur votre application de podcast favorite, mais également sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Aujourd'hui, on vous parle de la question de la prison. Est-ce que la prison est efficace contre la délinquance ou la criminalité? La réponse n'est évidemment pas tout à fait celle que l'on pense. Et puis les idées claires, ce sera également samedi pour la fête de la science dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne toute la matinée, une journée spéciale d'émissions, de débats. Il y aura la méthode scientifique de 9h à 10h, mais également les chemins de la philosophie, du grain à moudre et la grande table avec Olivia Gesbert, Adèle Von Rett, Hervé Gardette et moi-même. L'entrée est gratuite comme toujours les forums de France Culture, mais il faut vous inscrire sur le site maisondelaradio.fr. On vous met en tout cas une fois de plus toutes les indications sur le fil Twitter de l'émission ainsi que sur le site franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Bruno Gagnère-Fontanille à la technique. Et demain, nous vous raconterons 60 ans de conquête spatiale, puisque ce sont cette année les 60 ans de la NASA. C'est une longue histoire à raconter. On n'aura qu'une heure, mais on va se débrouiller comme d'habitude à 16h jusqu'à preuve du contraire.